Tous les mardis, de 23h à minuit, il y a une émission d'électro et d'électronica dans ton poste. Ça s'appelle Soundpost. Et j'aime bien. Vous pouvez aussi retrouver Soundpost sur le www.prune.net. Vous savez, c'est sur internet, le truc qui marche avec un modem, qui fait...